le plus attendre, le plus espérer, le plus laisser distraire, trop désarçonné. La réfraction, renvoyer le mensonge dans les cordes, croire à ce que nous sommes. Petit cercle, influence, minime, second cercle, influent. Les Français sont des connards, ils n'écoutent rien, c'est une catastrophe. Les Françaises, je t'en parle même pas. What a pleasure. What a pleasure to be with you tonight. Comment déboucher ton évier, quelle fleur offrir à ta Valentine. Peu de gens sont sortis libres du Covid. Certains forever.